Je m'appelle Charles Gauthier. Je suis fils de simple boutiquier établi rue Quincampoix. Maroquinier depuis 1743. Sur les quais, le nez au vent, au milieu des ombres familières, on grandit et l'on apprend que le temps des jeux d'enfants n'a qu'un temps sur terre. Et me voilà au tiers état, député de Paris, participant au grand combat qui soulève mon pays. J'ai tout pour être heureux, mais celle que j'aime vit loin de moi. Nous ne sommes pas du même milieu. Je suis de sa famille appartient à la cour.